الله إليكم. هذا يقول بعض الدعاة وطلبة العلم يقولون عند التحدث عن الشيعة والرافضة إنهم إخواننا، هل يجوز أن نقول ذلك وما الواجب في ذلك إن لم يصل؟ نبرأ إلى الله منهم ونبرأ إلى الله من هذا القول، ليسوا إخواننا، والله ليسوا إخواننا، بل هم إخوان الشيطان، لأنهم يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق، ويكفرون أبا بكر وعمر ويلعنونهما، ويكفرون الصحابة عموما إلا أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أنهم هم أعدى علي بن أبي طالب، علي يبرأ منهم عليه رضي الله عنه، بريء منهم، علي إمامنا وليس إمامهم، إمام أهل السنة وليس إمام الرافضة الخبثاء. فنحن نبرأ إلى الله منهم وليسوا إخواننا، ومن قال إنهم إخوان فليتوب إلى الله ويستغفر الله، والله جل وعلا أوجب علينا البراءة من أهل الضلال وموالاة أهل الإيمان. نعم. Dans cet enregistrement, Cheikh Saleh Fawzan Hafidhahullah réfute une parole d'égarement qui veut rapprocher entre les gens de la Sunna et les chiites. La question. Qu'Allah vous fasse du bien. Ce questionneur dit, certains prédicateurs et apprenants, lorsqu'ils évoquent les chiites et les rafidites, ils disent que ce sont nos frères. Est-il licite de s'exprimer ainsi? Et quel est le devoir en cela? La réponse de Cheikh Saleh Fawzan Hafidhahullah. Nous les désavouons devant Allah. Et nous désavouons cette parole devant Allah. Ils ne sont pas nos frères. Par Allah, ils ne sont pas nos frères. Ils sont plutôt les frères de Satan, Ikhwan Shaitan. Puisqu'ils insultent Aïcha, la mère des croyants, qu'Allah la gréille, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qu'Allah choisit pour son prophète, prière et salut sur lui, la sincère et fille du sincère, As-Siddiqa bint As-Siddiq. Ils rendent Abu Bakr et Omar mécréants et ils les maudissent. Ils rendent mécréants la plupart des compagnons, à l'exception de Al-Bayt, dont Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agréille, alors qu'ils sont les ennemis de Ali ibn Abi Talib. Ali radiallahu anh les désavoue. Il est innocent de l'amitié de ces gens. Ali est notre imam, non pas le leur. Il est l'imam de Al-Sunnah, et non pas un imam des rafidis pervers. Donc, nous les désavouons. Ils ne sont pas nos frères. Et celui qui avait avancé qu'ils seraient nos frères doit se repentir à Allah et lui demander pardon. Car Allah nous avait ordonné de désavouer les gens d'égarement et de nous allier avec les gens de la foi.